Chapitre 6e. Le révérend Samuel Saul. Pendant que Harry se trouvait à Londres, il s'était passé au presbytère un événement qui avait surpris quelques-uns de ses habitants et en avait vivement contrarié d'autres. M. Saul, le vicaire de M. Clavering, avait fait à Fanny une proposition de mariage. Le recteur et sa fille en étaient, disait-il, aussi surpris qu'ennuyés. Que le recteur en éprouva une véritable contrariété, c'était évident. Mais Mrs. Clavering disait qu'elle l'avait presque deviné, et qu'en tout cas elle n'était pas fort surprise. Quant à la proposition en elle-même, elle regrettait sans doute qu'elle eût été faite parce qu'il ne pouvait convenir à Fanny de l'accepter. Marie avait été d'autant plus surprise qu'elle supposait M. Saul de toute autre préoccupation. Mais après tout, elle ne voyait aucune raison de lui reprocher cette démarche comme étant déraisonnable. Elle s'était pourtant récriée très fort, et avec indignation, quand Mrs. Clavering s'était hasardée à insinuer que sa fille s'attendait à la proposition de M. Saul. « J'ai vu, ma chère enfant, avait repris la mère, qu'il avait de l'amour pour vous. Dans un pareil cas, les hommes ont différentes manières d'exprimer leurs sentiments. » Fanny, qui avait vu tout le manège amoureux entre Marie et son fiancé depuis le commencement jusqu'à la fin, qui avait surveillé attentivement les démonstrations éloquentes du révérend Edward Fielding, ne pouvait partager l'avis de sa mère. Dès le premier moment de ses rapports intimes avec Marie, Edward Fielding n'avait plus laissé à personne aucun doute sur ses intentions. Il avait causé avec Marie, s'était promené avec elle, toutes les fois qu'il avait pu faire ou qu'on le lui avait permis. Quand il s'était trouvé en tête-à-tête avec Fanny, c'était encore de sa sœur qu'il avait parlé. Il s'était conduit comme un amoureux de la bonne vieille et franche école, de façon que personne ne pût se méprendre sur son compte. À partir du moment où ses visites étaient devenues plus fréquentes au presbytère, la seule question dont la famille se fût préoccupée, c'était son revenu. Quant à M. Saul, c'était tout autre chose. « Je ne crois pas, » dit Fanny à sa mère, « qu'il m'ait parlé d'autre chose que des pauvres et des offices de l'Église. Et c'est précisément là sa manière à lui de vous faire une déclaration. Eh bien, c'est un sot. Si je l'ai rendu malheureux, j'en suis bien fâché. Mais qu'avait-il besoin de s'adresser à moi de cette façon-là ? « Je crois qu'il me faudra chercher un autre vicaire, » dit le recteur. Mais il fit cette remarque en particulier à sa femme. « Je ne vois pas du tout que cela soit nécessaire, » répondit Mrs. Clavering. « Si c'était un tout autre homme, vous auriez à le faire, mais on lui fera entendre raison et tout sera dit. » Fanny avait peut-être quelques raisons de s'indigner, car à coup sûr, M. Saul l'avait prise à l'improviste en lui révélant sa flamme. Depuis plusieurs mois, Marie s'était beaucoup plus occupée des affaires paroissiales de M. Fielding que de celle de son propre père. Il était donc naturel que M. Saul se fût adressé plus souvent à Fanny qu'à sa sœur. Fanny était active et zélée. M. Saul l'était aussi. Il était donc fort naturel qu'ils travaillassent de concert en plusieurs circonstances. Mais il n'y avait jamais eu de promenade à part, pas de conversation entre eux qui pût passer pour secrète. Fanny tenait un certain registre renfermant le nom de tous les pauvres de la paroisse que M. Saul visitait en même temps qu'elle. Mais ce registre n'avait rien de romanesque, et quand elle en parcourait les pages dans le salon avec M. Saul, additionnant le produit des quêtes, elle n'avait pas cru que cela dût aboutir à une déclaration. Jamais de sa vie, M. Saul ne l'avait appelée Fanny tout court. Cela n'eut lieu que le jour où elle déclina l'honneur de devenir Mrs. Saul. Voici comment la chose arriva. Fanny était allée visiter une pauvre vieille veuve appelée Tubb, à moitié chemin entre Cumberley Green et le petit village de Clavering. Là, elle avait travaillé à convaincre cette vieille femme qu'elle avait bien reçu la part qui lui était due dans la distribution annuelle de charbon. Et juste au moment où elle allait quitter la chaumière, M. Saul arriva. Il était alors plus de 4 heures. La nuit arrivait, et une bruine légère commençait à tomber. C'était un moment mal choisi pour une course d'un mille dans un sentier des plus boueux. Mais Fanny faisait peu d'attention à de pareils détails. Il s'engageait résolument dans le chemin humide et raboteux en retroussant sa jupe quand M. Saul l'aborda. « Je crains que vous ne vous mouilliez, Miss Clavering. J'aime encore mieux cela que de me passer de montée. Ce qu'il faudra faire si je restais plus longtemps chez Mrs. Tubb. Du reste, j'ai un parapluie. Mais il fait bien sombre, il y a tant de boue, » reprit-il. « J'y suis habitué, vous devez le savoir. C'est vrai, je le sais. » lui dit-il en la suivant, « Je sais bien que rien ne vous détourne de faire une bonne œuvre. » Il y avait dans le ton de sa voix quelque chose qui déplut à Fanny. C'était la première fois qu'il lui faisait un compliment. Leur rapport avait été très intime et ils s'étaient souvent grondés mutuellement. Fanny lui reprochait de trop exiger des gens, et lui prétendait que Fanny les gâtait par trop d'indulgence. Fanny refusait souvent de lui obéir, et alors il invoquait d'un ton solennel son autorité ecclésiastique. C'est ainsi qu'ils avaient travaillé tous deux de concert à leurs bonnes œuvres, sans qu'il y eût entre eux rien de cet embarras qui autrement aurait dû exister entre un jeune vicaire et une jeune personne. Mais à présent, il se mettait à la flatter avec une certaine intention que trahissait le ton de sa voix. Elle en était confondue. Sans lui faire aucune réponse, elle se mit à marcher plus vite à travers la boue et les pierres du chemin. « Vous êtes doué d'une grande constance, » reprit-il. « Je n'ai pas passé 2 ans à Clavering sans m'apercevoir de cela. » Décidément, cela allait de mal en pire. Ce qui la blessait, ce n'était pas tant les mots en eux-mêmes que le ton dont ils étaient prononcés. Et cependant, elle n'avait pas la moindre idée de ce qui allait venir. Si, plein d'admiration pour sa piété et se méprenant sur son caractère, il lui avait conseillé d'entrer dans un couvent protestant ou lui avait proposé de quitter la maison paternelle pour se faire garde-malade dans un hôpital, elle aurait vu là-dedans l'indice d'une folie dont elle le croyait capable. Mais pour l'acte de folie qu'il commettait alors, elle n'avait jamais cru que M. Saul en pût être capable. La pluie avait augmenté et Fanny tenait son parapluie très bas sur sa tête. Lui aussi avait son parapluie ouvert dans la main gauche, de sorte qu'ils n'étaient pas très rapprochés l'un de l'autre. Fanny, marchant avec précipitation, mit les 2 pieds dans une flaque d'eau dont les éclaboussures couvriraient toute sa robe. « Mon Dieu ! S'écria-t-elle, « comme cela est désagréable !»« Mais Clavering, reprit M. Saul, sans remarquer ce détail, « voilà longtemps que je cherche une occasion de vous parler, et je ne sais pas quand j'en trouverai une aussi bonne que celle-ci. » Elle pensa de nouveau qu'il s'agissait de quelques propositions désagréables, peut-être même indiscrètes, mais il ne lui vint pas à l'esprit que M. Saul fût en quête d'une femme. « Ne pensez-vous pas qu'il pleut trop fort pour causer en ce moment ? » dit-elle. « Puisque j'ai commencé, je ferai aussi bien d'achever, » reprit-il en élevant un peu la voix, comme si c'eût été nécessaire pour se faire entendre au milieu de la pluie et de l'obscurité. Elle s'était éloignée un peu de lui par un mouvement d'irritation instinctive, mais lui, sans se déconcerter, continua. « Miss Clavering, je sais que je suis peu propre à jouer le rôle d'un amant. Très peu propre, assurément. » Là-dessus, elle repartit vivement et de nouveau à la plonger les 2 pieds dans une autre flaque d'eau. « Je n'ai jamais lu, » continue M. Saul, « comment s'y prendre dans les livres, et je n'ai pas laissé mon imagination s'arrêter beaucoup sur ces choses. « M. Saul, assez, je vous prie, n'allez pas plus loin. » Alors seulement elle comprit de quoi il s'agissait. « Si, Miss Clavering, je veux continuer, il le faut maintenant. Mais ne croyez pas que je veuille vous demander une réponse aujourd'hui. J'ai appris à vous aimer, et si vous pouvez m'aimer un peu en retour, je vous prendrai par la main et vous serez ma femme. » J'ai trouvé en vous des qualités que je n'ai pu m'empêcher d'aimer et qui m'ont fait désirer de vous attacher à moi pour toujours. Voulez-vous réfléchir à ma demande et me donner une réponse quand vous l'aurez bien méditée ? » Il ne s'était pas trop mal exprimé après tout, et Fanny, bien qu'elle fût très courroucée contre lui, en convenait malgré elle. Le moment et l'endroit qu'il avait choisi pour faire sa déclaration n'étaient pas des plus convenables. Mais en tout cas, il s'était assez bien tiré de cette affaire. Pas la moindre hésitation dans sa voix. Ses paroles avaient été parfaitement intelligibles. « Oh, Monsieur Saul, » lui dit-elle, « il va sans dire que je peux vous répondre sur l'heure. Il n'y a pas besoin de tant de réflexion. En vérité, je n'ai jamais pensé. » Fanny, qui savait très bien quels étaient ses sentiments, pouvait à peine s'expliquer d'une façon claire qui ne fut pas impolie. À peine eut-elle dit les mots « il va sans dire » qu'elle s'aperçut qu'elle était allée trop loin. À quoi bon insulter ce pauvre Monsieur Saul en lui disant qu'à une telle proposition de sa part, il n'y avait qu'une réponse possible. « Je le sais, Miss Clavering, mais vous n'avez jamais pensé à une pareille proposition. C'est une raison de plus pour y penser à loisir. Je n'ai pas pu, comme les hommes qui sont moins timides que moi, vous faire connaître, par 1000 petits indices, tout l'amour que je ressens pour vous. En eussé, j'étais même capable, je crois que j'aurais hésité longtemps, jusqu'au moment où j'aurais été convaincu qu'il valait mieux me marier que de rester célibataire. Et où j'aurais cru aussi, autant que je pouvais en juger, que le meilleur parti pour vous était de vous marier. Mais en vérité, Monsieur Saul, il me semble que c'est à moi de décider cette question. Permettez, cela me regarde aussi. Un homme peut-il proposer le mariage à une femme? Peut-il lui imposer pour la vie certains devoirs, certains liens si étroits, sans se demander d'abord si cela est dans l'intérêt de cette femme autant que dans le sien? Sans doute vous avez à examiner la chose, mais je l'ai examinée aussi pour vous. Vous devez y songer pour vous et aussi pour moi. Voilà qui est indubitable. » Fanny était convaincue qu'en ce qui la concernait, elle n'avait pas besoin d'une minute de plus de réflexion. Mais ce Saul n'était pas un homme dont elle put jamais devenir amoureuse. Elle avait ses idées à elle en fait d'amabilité dans les hommes, et le pétulant vicaire, qui pataugeait dans la boue à côté d'elle, n'arrivait pas du tout à la hauteur de son idéal. Il s'était tout à fait mépris, elle le voyait bien, sur son caractère. Il l'avait crue plus désintéressée du monde qu'elle ne l'était en réalité, et qu'elle ne voulait l'être. Fanny n'était nullement pressée de se marier. J'ignore même si elle s'était jamais dit que le mariage était bon pour elle, mais elle était fermement convaincue que si elle se mariait, son mari devait avoir une maison à lui et de bonne rente. Elle ne se sentait pas capable de vivre de légumes et de se contenter d'une robe neuve par an. Une demeure confortable avec des meubles élégants et commodes, de l'argent en abondance, du luxe dans sa manière de vivre, tels étaient les avantages qu'elle ne dédaignait jamais. Et bien qu'elle ne voulût pas se montrer trop dure pour M. Saul après sa balourdise, elle n'en sentait pas moins qu'en faisant sa proposition, il s'était mépris tout à fait. Parce qu'il lui plaisait de se conduire comme doit le faire la fille d'un recteur, M. Saul avait voulu voir en elle une dévote toute prête à tout abandonner pour devenir la femme d'un clergyman, qui était plein de zèle, il est vrai, mais n'avait pas un sou de revenu outre ses appointements de vicaire. « Monsieur Saul, lui dit-elle, je puis vous assurer que je n'ai pas besoin de plus longues réflexions. Je ne puis consentir à votre demande. Peut-être ai-je été trop brusque. À vrai dire, je le crois ainsi. Mais je ne savais pas comment faire autrement. Cela ne ferait pas la moindre différence. À vous parler franchement, monsieur Saul, toute différence de procédé n'y eût absolument rien fait. Voulez-vous m'accorder une faveur? C'est de me permettre de vous reparler de cela dans 6 mois. Cela ne peut servir de rien. Cela servira à une chose, c'est que pendant tout ce temps-là, vous aurez eu cette idée devant l'esprit. » Fanny se prit à penser que pendant ces 6 mois, elle aurait M. Saul devant les yeux, et cela lui paraissait plus que suffisant. M. Saul, avec ses habits raillés, ses souliers crottés, ses petits yeux clignotants et son esprit fixé sur une pensée absorbante, ne pourrait jamais lui apparaître avec les traits qu'on prête à un amant. C'était un de ces hommes que les femmes aiment d'amitié vive et sincère, mais que les jeunes filles ne peuvent pas plus songer à aimer que s'ils appartenaient à une espèce différente de la nôtre. « Je ne veux pas insister davantage, dit-il. Je connais à votre ton de voix que cela vous déplaît. Je suis désolé, monsieur Saul, de vous faire de la peine, mais véritablement, il serait impossible de jamais vous faire une autre réponse que celle-ci. » Alors ils continuèrent leur marche dans la boue, sans échanger une seule parole, pendant plus d'un demi-mille, jusqu'à la porte du presbytère. Là, il fallait absolument qu'ils rompissent le silence, et pendant les 300 derniers mètres, Fanny avait cherché dans sa tête quelques mots convenables pour rompre la glace, mais ce fut lui qui commença. « Bonne nuit, Miss Clavering, » lui dit-il en s'arrêtant et en lui tendant la main. « Bonne nuit, Monsieur Saul. J'espère que ma démarche ne modifiera en rien les rapports quotidiens que nous avons ensemble. Non, pas en ce qui me regarde, pourvu toutefois que vous consentiez à oublier. Non, Miss Clavering, je ne veux pas oublier. Si c'était une affaire que je voulais oublier, je ne vous en aurais pas parlé. Je ne l'oublierais certainement pas. Vous comprenez ma pensée, Monsieur Saul? Non, je ne l'oublierai pas, même dans le sens où vous l'entendez. Néanmoins, je ne vois pas que vous deviez avoir peur de moi, parce que vous savez que je vous aime. Je vous le dis, vous n'avez pas besoin de vous éloigner de moi à cause de ce qui s'est passé. Vous en parlerez à vos parents et naturellement, vous suivrez leurs conseils. Maintenant, adieu et bonne nuit. Il s'éloigna alors et Fanny resta tout étonnée de voir que tout l'avantage avait été du côté de M. Saul dans sa manière de s'exprimer et dans ses procédés. Elle lui avait répondu par un refus très sec et il l'avait reçu avec douceur, sans se déconcerter, sans bouder, sans essayer de l'attendrir par le récit de ses propres misères. En vérité, il avait fait la chose galamment. Il va sans dire que Fanny raconta toute l'affaire à sa mère et celle-ci répéta le tout à son mari. Avant l'heure du dîner, la question fut discutée vivement dans le conclave de la famille. Tous furent d'avis que Fanny n'avait d'autre parti à prendre que de rejeter cette demande sans hésiter. Il y eut tout de suite une telle unanimité sur ce point qu'il ne fut pas même discuté. Mais ensuite, il y eut divergence de sentiments entre le recteur et Fanny d'un côté, et Mrs. Clavering et Fanny de l'autre. « Sur ma parole, s'écria le recteur, voilà une démarche bien impertinente. » Fanny n'aurait pas voulu employer ce mot elle-même, mais elle approuvait pleinement son père de s'exprimer ainsi. « Je ne suis pas de cet habit, » dit Mrs. Clavering. Mrs. Saul ne pouvait pas deviner quelles étaient les idées de Fanny sur ce point. Les vicaires épouseraient souvent les filles de leur recteur, et je ne vois pas pourquoi on empêcherait Mrs. Saul au moins d'essayer la même chose à son tour. « S'il est amoureux de Fanny, » dit naïvement Marie, « que vouliez-vous qu'il fît ?»« Oh, Marie, ne dis donc pas de telles sottises, » reprit Fanny, « amoureux de moi. On ne devrait jamais devenir amoureux des gens sans raison. » « Je me demande un peu de quoi il espérait vivre, » reprit le recteur. « Édouard n'avait pas de revenus quand vous lui avez permis de venir chez nous, » dit Marie. « Mais il avait des espérances, et Saul n'en a pas l'ombre. » Et puis rien ne faisait pressentir sa démarche. Si l'homme de la lune était venu faire la cour à Fanny, elle n'eût pas été plus ahurie. « C'est très vrai, papa. » Mrs. Clavering persiste à dire qu'elle n'avait pas été surprise le moins du monde, qu'elle s'y attendait même un peu. Et Fanny était tout irritée d'entendre sa mère parler ainsi. Quand Harry revint deux jours après, on lui fit part de cette nouvelle, et il se rallia aussitôt à l'avis de son père. « Sur ma parole, ajouta-t-il, je crois qu'on devrait lui interdire l'entrée de la maison. Il s'est oublié en faisant une pareille proposition. »« Voilà qui est absurde, Harry, » reprit sa mère. « S'il lui plaît de venir ici, il n'y a pas de raison de lui fermer la porte. Quant à le congédier, ce serait une injustice, sans parler de la peine, quand votre père a trouvé un vicaire qui lui convienne aussi bien. » Sur l'exactitude de cette dernière remarque, il n'y avait qu'une opinion, et finalement, on décida que la faute de M. Saul, si faute il y avait, devait lui être pardonnée. Le jour suivant, Saul vint au presbytère, et toute la famille fut étonnée de l'aisance avec laquelle il se présentait. Ce n'est pas qu'il affectât une liberté exceptionnelle dans ses allures, et que le ton de sa voix fût resté exactement le même pendant qu'il parlait. Une rougeur légère colora même ses joues quand il adressa la parole à Mrs. Clavering. Il dit à peine quelques mots à Fanny. Il se comporta néanmoins comme quelqu'un qui avait conscience de ce qu'il avait fait, mais ne voyait aucune raison pour en rougir. L'attitude du recteur, au contraire, fut raide et empreinte d'une froideur marquée. Ce que voyant Mrs. Clavering, parla M. Saul avec beaucoup de douceur. « Vous avez bien fait, » dit le recteur à sa femme, quand le soir fut venu. « Vous êtes toujours bien inspiré. » Je voudrais pourtant que Saul n'eût pas fait ses débuts. Il me sera impossible de le traiter désormais comme auparavant. » Harry, lui, dit à peine un mot à M. Saul la première fois qu'il le vit, et celui-ci en devina aisément la raison. « Clavering, » dit-il un jour ou deux plus tard à Harry, « j'aime à croire qu'il n'y a rien entre nous. » « Rien ? Je ne sais pas bien ce que vous voulez dire. Nous étions bons amis, et j'espère que nous resterons tels. Vous avez su sans doute ce qui s'est passé entre votre sœur et moi. » Oh « oui, je le sais, on me l'a raconté. »« Eh bien, je veux dire que vous n'allez pas m'en vouloir pour cela. Ce que j'ai fait, ne l'auriez-vous pas fait vous-même dans la même position ?»« Assurément, mais vous auriez mieux réussi que moi. »« Mon avis, voyez-vous, est qu'il faut avoir un revenu. »« Voulez-vous dire que vous auriez attendu d'avoir des rentes avant de parler de mariage ?»« Je crois que vous auriez dû en parler tout d'abord à mon père. »« Il se peut que ce soit la règle en pareille matière, mais en tout cas, je l'ignorais. » Croyez-vous que votre sœur l'eût mieux aimé ainsi? Pour cela, je n'en sais rien. Dites-moi, vous êtes fiancé, n'est-ce pas? Vous êtes-vous adressé d'abord aux parents de la jeune fille? Pas précisément. Mais je crois que ma conduite précédente leur avait fait pressentir ma démarche. Ils s'y attendaient, je pense. Mais tout cela appartient au passé, et je ne vois pas que nous ayons besoin d'en parler davantage. Non, assurément. Et tout ce que nous dirions ne servirait de rien. Mais je ne crois pas avoir rien fait dont vous puissiez m'en vouloir. Vous en vouloir, le mot est bien fort. Je ne vous en veux pas. Je ne vous en voudrai jamais. Et tout sera dit là-dessus. À partir de ce moment, Harry fut plus courtois pour M. Saul, et il s'imagina que le jeune vicaire avait voulu s'excuser de sa démarche. Mais telle n'était pas en aucune façon la pensée de M. Saul. S'il lui demandait en mariage la fille de l'archevêque de Canterbury au lieu de celle du recteur de Clavering, il n'aurait pas vu là une raison de s'excuser. Le lendemain de son retour de Londres, Lady Clavering envoya prier Harry de passer chez elle. « Vous avez vu ma sœur ?» lui dit-elle. « Oui, » dit Harry, rougissant. « Comme je me trouve en ville, j'ai pensé que je ferais aussi bien d'aller au-devant d'elle. Mais comme vous me l'avez dit, Lysiongar peut très bien se passer de toute assistance dans des cas pareils. Je n'ai fait que l'entrevoir. Julie a été très touchée de votre obligeance, mais elle paraît fort surprise que vous n'ayez pas passé chez elle le jour suivant. Elle comptait sur votre visite. Je n'ai jamais songé à y aller. J'ai cru qu'elle serait trop fatiguée et trop occupée pour recevoir une simple connaissance. Ah, Harry, je vois bien qu'elle vous a fâché de quelque manière. Sans cela, vous ne parleriez pas ainsi. Moi, fâché, pas le moins du monde. Comment aurait-elle pu me fâcher? Ce que je veux dire, c'est que dans des circonstances pareilles, elle désirait probablement ne voir que des gens venant pour affaires, ou des personnes lui tenant de près, comme Hughes ou vous-même. Hughes ne veut pas la voir.